toi tous ces rêves que la nuit s'y complice. T'as fait vivre près de moi que la nuit qui m'épouse porte ton nom et ton corps. Signe de toi, les nuages qui m'emportent dans ces draps, je te cherche sur papier, je me couche pour graver ces mots tendres. Ni le temps ni l'absence n'effacera, t'effacera. Signe de toi. Signe de toi, les nuages qui m'emportent dans ces draps, je te cherche sur papier, je me couche pour graver ces mots tendres. Ni le temps ni l'absence n'effacera, t'effacera. Signe de toi. Signe de toi. Signe de toi. Tire-toi, m'assassine pas.